Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange. Nous rendons toute la gloire à Dieu qui nous a secouris dans spécial OSP Jéricho. Je vais dire à quelqu'un, ce que tu as saisi, garde, car tu verras beaucoup de choses changer dans ta vie. Notre Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Cesse de pleurer. Commence à louer l'Éternel, parce que tu verras de grandes choses s'accomplir dans ta vie. Réveille-toi, nous allons prier. Réveille ton voisin, réveille ton frère, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à OSB. Oui, nous allons lire Jean 14, 15 à 18. Chaque matin je me lève, je prie avec OSP. Chaque matin moi je prie, je prie avec OSP. Notre texte d'aujourd'hui, c'est Jean 14, 15 à 18. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne les voit point et ne les connaît point. Mais vous, vous les connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Amen. Nous allons partager 5 vérités essentielles concernant la personne du Saint-Esprit. Il y a beaucoup de chrétiens qui font la confusion sur les ministères et la personne du Saint-Esprit. Nous avons 5 vérités ici. Première vérité, le Saint-Esprit est appelé l'autre consolateur. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus est déjà lui-même le consolateur. Lorsque tu vis des moments difficiles, lorsque tu vis des moments de preuve, j'aimerais te dire que Jésus est avec toi pour te consoler, pour te fortifier, toi qui as perdu un être cher, toi qui viens de perdre ton fils, ton frère, mais le Saint-Esprit est l'autre consolateur. Tu as besoin de l'Esprit Saint, il est là pour te consoler et je prie pour que le Saint-Esprit puisse saisir quelqu'un, puisse saisir une dame qui pleure, qu'il te console parce qu'il est l'autre consolateur. Il est proche de toi. Même quand tu vois que les gens t'abandonnent, t'oublient, tu es alité dans un lit d'hôpital, tu es tombé en faillite, tu n'as plus rien, les gens t'ont abandonné. Mais j'aimerais te dire que le Saint-Esprit est avec toi parce qu'il est ce consolateur qui sera toujours auprès de toi. Invoque-le, il est là. Deuxième vérité, le Saint-Esprit demeure éternellement avec nous. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui se posent cette question. Combien de temps le Saint-Esprit habite-t-il dans la vie du chrétien? Est-ce que lorsqu'un chrétien pêche, le Saint-Esprit sort, il est parti ou bien comment? Cette parole nous permet de comprendre. Jésus lui-même dit, Jésus dit au verset 16, « Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » C'est-à-dire, lorsque le Saint-Esprit vient en toi, quand tu acceptes Jésus, il vient en toi et il va habiter éternellement avec toi. Nous voyons une différence entre la dispensation dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau. Dans l'Ancien Testament, les gens comme les David, les Samson, pouvaient perdre le Saint-Esprit quand ils péchaient, vous voyez? Parce que le Saint-Esprit n'était pas encore répandu de manière permanente. Parce que la Pentecôte n'était pas encore arrivée. C'est pourquoi quelqu'un comme David, dans le psaume 51, quand il a péché en tombant dans l'adultère, il pouvait prier en disant « Ne me retire pas ton Saint-Esprit ». C'était dans l'ancienne dispensation de l'Ancien Testament. Le Saint-Esprit était sûr et pouvait se retirer. Quand les gens comme les Samson péchaient, Dieu pouvait retirer son Saint-Esprit. Mais après la Pentecôte, dans la nouvelle alliance, Jésus dit, le Saint-Esprit va demeurer éternellement avec nous. Donc, lorsque tu as commis un péché, que tu es chrétien, le Saint-Esprit est là. Mais ce que tu dois faire, tu dois confesser les péchés parce que le Saint-Esprit est étouffé, le Saint-Esprit est attristé. Est-ce que tu comprends? Mais il demeure éternellement avec nous et en nous. D'ailleurs, la Bible nous dit que notre corps devient le temple du Saint-Esprit. Troisième vérité, le Saint-Esprit est appelé ici l'Esprit de vérité. On ne peut pas comprendre qu'un chrétien qui confesse Christ comme Seigneur et Sauveur, qui a l'Esprit de Dieu en lui, puisse aimer les mensonges. Je vais parler à quelqu'un. Comment tu aimes mentir, hein, ma sœur? Tu n'as pas besoin de mentir à ton mari pour qu'il te donne l'argent. Regarde l'argent que ton mari t'a donné. Tu es en train de cacher l'argent quelque part et tu dis que tu n'as plus d'argent. Ce n'est pas sérieux, ma sœur. Le Saint-Esprit là, c'est l'esprit de vérité. Tu dois vivre dans la vérité et dire la vérité. Le père de mensonge, c'est qui? C'est Satan. Un chrétien ne peut pas vivre dans le mensonge parce que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité. Quand nous avons le Saint-Esprit, nous devons incarner la vérité d'abord par notre vie, par notre témoignage, et nous devons dire la vérité. Parce que le Saint-Esprit est l'Esprit de vérité, et Jésus lui-même est la vérité. Parce qu'il pouvait dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père autrement que par moi. Aimons la vérité, vivons dans la vérité. Mon frère, regarde, tu vis des blocages dans ta vie parce que tu vis dans le mensonge. Comment est-ce que tu peux tromper ta femme? Tu n'aimes pas dire à ta femme que tu as fait enfant avant le mariage. Non, il faut avoir le courage de dire la vérité. Vivons dans la vérité, ne cachons rien, ne dissimulons rien. Quatrième vérité, le monde ne peut recevoir le Saint-Esprit. Voyez, le verset 17 dit, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne les voit point et ne les connaît point. Le monde ici, c'est quoi? C'est tous ceux qui n'ont pas accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est ça le monde. Donc, un païen, un non-chrétien ne peut pas prétendre recevoir le Saint-Esprit. Est-ce que tu comprends? Il y a souvent des gens que nous voyons, ils entrent en transe, ils tombent, il y a des voix qui parlent. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit, mon ami. Nous devons avoir le discernement. Souvent, ce sont les démons qui se manifestent. Je parle à quelqu'un. Peut-être que dans ta famille, tu as vu ton papa, tu as vu un petit frère, tu as vu un enfant qui a commencé à convulser, il a commencé à s'agiter, il a commencé à parler. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui parle en lui. Ce sont les démons qu'il faille chasser dans le nom de Jésus. Est-ce que tu comprends? Souvent, il y a des gens, parfois, qui s'agitent dans nos églises. Nous devons avoir le discernement. Tout ce qui s'agite là, ce n'est pas toujours le Saint-Esprit. Le monde ne peut recevoir le Saint-Esprit. Quelqu'un qui vit dans l'adultère, l'idolâtrie, quelqu'un qui vit dans la sorcellerie ne peut recevoir le Saint-Esprit. À moins qu'il ne se repente, à moins qu'il abandonne sa vie passée et donne sa vie à Christ. Donc, souvent, ce sont d'autres esprits qui sont des démons qui habitent les gens. Même lorsque nous allons voir, par exemple, les commiants ou ce qu'on appelle les marabouts, les féticheurs, vous voyez, les esprits qui les animent là, les esprits de divination, ça ne vient pas de Dieu. C'est pourquoi ne confondons pas l'esprit de divination et le Saint-Esprit. Souvent dans le monde, il y a des gens qui ont l'esprit de divination. Quelqu'un qui peut te dire le nom de ton père, de ton grand-père sans les avoir connus. Quelqu'un qui peut te dire que voilà, dans ton travail, j'ai vu que tu as tel problème, tel problème. Souvent nous pensons que c'est ça, les prophètes. Mais nous ne devons pas confondre. Les païens aussi, les commiens, les marabouts aussi peuvent être animés, peuvent dire même des vérités entre guillemets, c'est-à-dire des révélations. Mais l'esprit qui les anime, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est un autre esprit que nous devons chasser dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu comprends? Cinquième vérité, le Saint-Esprit demeure dans la vie de chaque chrétien. Vous voyez? Le jour où tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, même si tu n'as pas senti tes cheveux trembler, même si tu n'as pas senti que tes bras tremblaient, le Saint-Esprit est là. Il y a beaucoup de gens qui pensent que on reçoit le Saint-Esprit quand on parle en langue. Mon ami, il ne faut pas confondre les dons du Saint-Esprit et la réception du Saint-Esprit. Parce qu'on ne peut pas recevoir Jésus et ne pas recevoir le Saint-Esprit. Vous voyez, Jésus lui-même dit ceci aux disciples. Il dit, au verset 17, « L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne les voit point et ne les connaît point, mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. » C'est-à-dire, avant la Pentecôte, le Saint-Esprit était avec les disciples. Il fallait attendre maintenant les jours de la Pentecôte pour qu'il y ait ce qu'on appelle effusion du Saint-Esprit, pour que la promesse que Dieu a faite par Joël s'accomplisse, qui dit « Dans les derniers jours, je rependrai de mon esprit sur toute chair, vos jeunes fils et vos jeunes filles prophétiseront. » À partir de la Pentecôte, maintenant le Saint-Esprit habite dans la vie de toute personne qui croit en Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est pourquoi il dit « Il est avec vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, mais il sera en vous. » Mon frère, ne te fais pas de la peine quand les gens te disent « tu n'as pas le Saint-Esprit ». Non, mon frère, c'est une question de foi. Tu n'as pas besoin de sentir le Saint-Esprit, mais tu dois croire que le Saint-Esprit est en toi. Maintenant, ce que tu dois faire, c'est d'apprendre à te laisser diriger par le Saint-Esprit, de marcher dans la plénitude du Saint-Esprit. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le glorifier. Nous allons le louer. Le Dieu qui nous enseigne. Le Dieu qui nous a donné son Esprit Saint. Élevons nos voix pour chanter ce cantique en son honneur. Je veux gloire à Dieu. Bénissons le Seigneur. Élève ta voix, commence à le louer. Lui qui t'a donné ses consolateurs, l'esprit de vérité, qui demeure éternellement avec toi. Il est avec toi, il est là. Il est là pour te consoler, te fortifier, pour te conduire. Bénissons le Seigneur. Amen. Nous rappelons que nous sommes à notre émission matinale de prière que nous appelons OSB, Opération sur la brèche. Pour ceux qui nous suivent en Europe, aux États-Unis et dans d'autres pays africains, j'aimerais vous dire que nous avons déjà une application Fréquence Vie téléchargeable sur votre téléphone Android, sur votre téléphone mobile ou sur votre tablette. Il suffit tout simplement d'aller dans Play Store, dans Google, et puis vous cherchez comme on cherche toutes les autres applications. Vous tapez Radio Fréquence Vie et vous attendez quelques temps. Et puis le logo de Fréquence Vie va apparaître. Et puis vous appuyez là où c'est écrit installer ou bien télécharger. Vous attendez quelques 3 ou 4 minutes. Et puis c'est fait. Vous verrez le logo de Fréquence Vie sur votre téléphone mobile ou sur votre tablette. Et ça sera facile chaque fois que vous allez appuyer et que vous êtes connecté sur Internet. Vous suivez Fréquence Vie, vous suivez OSB. Que Dieu vous bénisse. Le texte du jour, c'est Jean 14, 15 à 18. Nous venons de voir que le Saint-Esprit est notre consolateur. Il nous console quand nous vivons des moments difficiles, quand nous vivons des moments d'affliction, quand nous nous sentons abandonnés. Tu vas prier le Seigneur, tu vas invoquer le Saint-Esprit, tu vas dire, Saint-Esprit, viens me consoler, viens consoler ma vie, viens consoler mes parents, viens consoler mon ami qui est en difficulté. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Tendre Père, nous te bénissons ce matin, nous te glorifions, nous chantons des cantiques en ton honneur, nous psalmodions ton nom. Tu as fait de grandes choses dans notre vie, tu as réalisé des choses merveilleuses et exceptionnelles. Nous cherchons continuellement ta face et nous nous tournons chaque jour vers toi parce que tu es le Dieu d'éternité en éternité. Ce matin, ô Père éternel, je prie et je te rends grâce. Je te demande, Père, et je demande, Père, que ton Esprit Saint vienne me consoler dans ma tristesse, vienne me consoler dans mon abattement. Saint-Esprit, viens consoler mon frère qui m'écoute en ce moment, ma sœur qui m'écoute en ce moment, qui est découragée, qui est abattue. Lorsqu'on tourne vers toi les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Ce matin, nous invoquons ton Esprit Saint et nous demandons que ton Esprit Saint console ce chef d'entreprise qui est pris par les factures de toutes parts et qui ne sait de quel côté se tourner. Viens le consoler, viens le relever, viens consoler cette mère de famille, viens consoler ce chef de famille, viens consoler ce frère qui ne sait pas comment s'y prendre. C'est toi qui nous console, c'est toi qui nous restaure. Merci Père pour toutes les choses. Merci pour les écluses des cieux qui nous apportent un rafraîchissement. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous venons de voir que le Saint-Esprit est l'Esprit de vérité. Nous ne pouvons pas vivre dans le mensonge quand nous avons le Saint-Esprit, quand nous marchons selon l'Esprit. Prions le Seigneur pour lui demander pardon. Et prions contre tout esprit de mensonge qui s'infiltre de plus en plus dans nos familles, dans l'église, même sur le plan professionnel. Que le Seigneur nous donne la grâce de vivre dans la vérité par notre vie, par notre témoignage. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Nous bénissons ton nom ce matin, Dieu vivant, Dieu véritable, Dieu trois fois saint. Merci ce matin, parce que tu as dit dans ta parole, si le Fils de Dieu t'a franchi, tu es réellement libre. Tu es libre de vivre dans la vérité. Tu n'as plus le droit de vivre dans le mensonge, dans des choses mauvaises, dans les pratiques. Oh, notre Dieu charnel, à vivre dans le mensonge, dans notre Dieu, dans l'impudicité, dans des choses mystiques. Nous voulons prier ce matin pour que la vérité nous habite, parce que nous croyons à la parole de Dieu. La parole de Dieu est la vérité. Je la sais dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Notre Dieu, elle est une lumière sur mon chemin, une lampe sous mes pieds, et nous croyons que cette parole est une lumière, cette parole est une puissance, cette parole est la vie, elle est la vérité. Je dois demeurer dans la vérité, dans la sainteté, dans la sanctification, dans la pureté, et pour t'adorer dans la gloire, pour t'adorer parce que tu le mérites, que la sainteté m'habite dans mes relations, dans ma relation avec toi, avec mon prochain, avec mon épouse, avec mon époux, mon enfant, avec tous ceux qui me sont chers partout où je me trouve, même dans le monde, là où je travaille, là où je vis, à vivre dans l'intégrité, dans la pureté, dans la vérité et dans l'amour, et aussi dans la justice, m'attacher à toi de tout mon cœur, mon âme, mon esprit et de toute ma force. Au nom de Jésus, amen. Amen. Nous allons prier. Pour tous ceux qui ne connaissent pas encore Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous voyons qu'ils ne peuvent recevoir le Saint-Esprit parce que le monde ne peut le recevoir. Il y a peut-être des gens qui viennent dans l'église, qui font semblant d'être chrétiens, mais ils ne sont pas encore. Prions pour qu'ils soient touchés par l'Esprit de Dieu. Prions pour qu'ils se répandent, qu'ils se convertissent. Il y a même des gens qui vivent dans la sorcellerie, dans le mysticisme. Que le Seigneur les touche, qu'ils se convertissent, qu'ils se donnent à Christ pour qu'ils reçoivent l'Esprit de Dieu. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Sur la brèche, la force dans la prière. gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que ton œuvre à la croix n'est pas vaine. Seigneur, nous savons qu'au milieu de nous, beaucoup de nos amis, beaucoup de nos parents, beaucoup de nos connaissances sont encore dans le monde et certains même sont dans l'église, sont à l'église. Ils font confession de te connaître, mais ils te renient par leurs œuvres. Ils ne connaissent pas encore le Christ. Ils n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Certains sont des pharisiens. Leur cœur est fermé malgré la prédication de la parole. Ils ne se sont pas encore décidés réellement de te confier leur vie parce qu'ils vivent dans la sorcellerie. Ils pratiquent l'injustice. Ils sont liés à la fornication. Ils vivent des choses abominables. Ils vivent sous des tentes étrangères. Ils vivent avec des gris-gris, avec des pouvoirs mystiques. Ils comptent sur des démons, sur des canaries, sur des eaux. Ils mettent leur confiance en des dieux faits par les mains d'hommes. Ce matin, Seigneur notre Dieu, nous voulons te prier pour que ces âmes que tu aimes soient sauvées. Père, libère-les de leur envoûtement. Libère-les de leur pouvoir mystique. Libère-les de leur incrédulité, de leur doute, de leur manque de foi. Saint-Esprit, viens, établis ta demeure. Merci de leur convaincre et manifeste-toi en eux. Manifeste ton pouvoir dans l'église. Que le feu du Saint-Esprit, que les dons du Saint-Esprit se manifestent pour qu'une multitude croie que Jésus-Christ est Seigneur et vienne à Christ. Car il a dit de lui-même, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. » Oui, Seigneur, tu es le seul et unique Dieu. Oui, par toi, nous avons le salut. Béni sois-tu, parce que réellement, Seigneur, tu es le véritable chemin, tu es la véritable vie. En dehors de toi, il n'y a point de vie. Merci, merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Si vous n'avez pas pu avoir l'occasion de donner votre offrande de fin de jeûne pour spécial OSB Jéricho, vous pouvez passer encore à nos bureaux de la radio Fréquente Vie pour le faire. Pour ceux qui sont à l'extérieur du pays, vous bénéficiez des OSB. Vous pouvez aussi nous appeler. Vous pouvez envoyer votre offrande de soutien à la radio par Western Union où nous pouvons aussi vous donner notre numéro de compte bancaire. Nous encourageons tous ceux qui ont déjà téléchargé l'application Android Fréquence Vie sur leur tablette ou leur téléphone à nous envoyer soit des photos, soit un témoignage audio-vidéo. Entrez dans la partie où c'est écrit « Reporter ». Vous pouvez vous enregistrer, vous nous dites un mot, vous allez appuyer sur « Enregistrer » et là où c'est écrit « Send » ou « Envoyer », dès que vous nous envoyez, ça va arriver sur notre boîte mail. Essayez, vous allez voir, et nous serons très édifiés. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration.